ou change-t-il tout le temps de couleur pour un ou pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il meurt, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxons, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se rasant. Eh bien, bonjour Jean-Michel. Bonjour, bonjour, petite. Bonjour, mon commandant. voilà, j'espère que le décollage s'est bien passé pour toi, que ça tu n'as va. Pas je eu suis trop pas de sûr mal d'avoir à parachute, mais voilà, ah bah 9500 mètres, ça va être dur. Voilà, bah je vais te demander, nous on se connaît un petit peu, je vais quand même le signaler aux auditeurs, aux auditrices et aux passagers que Jean-Michel et moi nous sommes de connaissance, donc on se tutoie dans le civil, alors à la radio pourquoi pas. Je vais te demander de te présenter un petit peu à nos auditeurs, auditrices et aux passagers de ce vol, donc qui sont à l'écoute. C'est le vol numéro, plan de vol numéro 8, et nous sommes donc à la découverte de la musicothérapie dont tu vas nous parler pendant ces 2 heures. Est-ce que tu peux éventuellement, même, je vais te le demander, de te présenter, voilà, après on va y aller un petit peu plus en profondeur. Alors ce pourquoi je suis venu ici, c'est pour témoigner d'une expérience extrêmement indicible et profonde par rapport à la musicothérapie, deux films que j'ai réalisés, deux films de 52 minutes sur la musicothérapie. Et donc, en ce qui concerne la musicothérapie, j'en suis venu là parce que très jeune, à l'université, j'ai passé un premier diplôme de musicothérapie. C'était d'ailleurs un des premiers en 1980 ou 82, 83, je sais plus, à Paris 8. Pour moi, tout ce qui était sciences humaines était quelque chose qui m'attirait énormément. Et évidemment, j'avais des appétences pour la musique déjà à ce moment-là, mais je me suis tourné assez rapidement vers l'image. J'ai fait une licence de vidéo au cinéma à l'université aussi. Et donc, j'en suis arrivé assez rapidement et assez jeune dans le cinéma et dans l'audiovisuel. D'accord. Puis ensuite, à faire des documents. Et donc, les premières thématiques qui me sont venues, sur lesquelles j'avais vraiment envie d'explorer et de m'exprimer, c'était, entre autres, la musicothérapie. Donc, pour ça, j'ai fait pas mal de recherches. J'ai rencontré beaucoup de monde à l'époque, divers types de pratiques dans la musicothérapie, et je me suis attaché plus particulièrement au travail de la voix à travers une musicothérapeute qui s'appelle Pilar Garcia, que j'avais déjà rencontrée dans les années 91-92, un premier film que je voulais et que je n'ai pas pu faire financer, qui était plus généraliste. Mais là, je suis arrivé à quelque chose de beaucoup plus pratique et beaucoup plus concret. C'est-à-dire, dans un espace contour, une expérience assez exceptionnelle et assez avant-gardiste à cette époque-là. Donc la première fois que j'ai tourné ce premier film, c'était en 2005. Et dans un EHPAD, un hôpital privé dans l'Essonne, les Magnolias. Et donc j'ai fait de l'immersion pendant plusieurs mois pour suivre la première fois donc plusieurs personnages. On s'était attaché à 5 personnages au départ. Et ensuite je suis allé plus loin sur un deuxième volet pour montrer de manière concrète et évidente que le travail avec la musique sur une pratique active de la voix, et ça je vais donc vous expliquer. On va le voir au fil du temps. T'inquiète pas, on a 2 heures, ça passe très vite. On va quand même parler de pas mal de choses que tu as rencontrées. Juste avant, Jean-Michel, avant de rentrer dans le vif du sujet, de parler un peu de ton métier, je t'invite et je vous invite à vous installer confortablement. Pendant cette première escale, pendant ce voyage, je vais vous proposer une première escale musicale. Avec un morceau, je pense que tu auras quelque chose à dire juste après, qui est un morceau, un titre de Bourvil, le petit bal perdu. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, le précédent aussi. Hein. Voilà. Il faut dire que tous les morceaux qui sont dans cette émission, tous les titres qu'on va écouter, ont été choisis par Jean-Michel. Hein, donc, je ne ferai pas de passage aujourd'hui sur les artistes orléanais comme j'ai l'habitude de le faire aux alentours de 15h, puisque la spéciale après en musique propre est passée sur tous ces artistes orléanais région centre. Donc je vais faire l'impasse sur l'émission et il y aura un petit peu plus de temps pour découvrir quelques artistes orléanais et de la région centre. Donc on est parti pour un petit tour avec Monsieur Bourvil. À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Est-ce qu'un jour c'est fini? Chanter après minuit, place de la mairie. Des premières rumbas la nuit, un dernier tango à Paris. Est-ce qu'un jour c'est fini? Fini. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Sept ans de réflexion, une robe qui vole, sept ans de passion. On pleure, on rigole. Sur le piano du salon, chercher des paroles, faire des chansons, console. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. Les nuits de larmes, les jours de fête, moi je les garde dans ma tête. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? C'était mieux avant, même si c'est pas vrai. J'avais tout le temps je l'avais. Chanteur à 20 ans. Cheveux emmêlés, j'étais dans le vent et ce vent m'allait. À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses en ce moment? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Commandant, quoi tu penses, ça fait trop longtemps que tu es dans les airs. C'était les fils et pères Souchon. Voilà, Pierre. Mais bon, ça... voilà. Mais voilà, on pense que des fois on a un petit peu la tête à l'envers et que voilà, c'était pas tout à fait le titre qui devait partir, mais je vous promets que mais... à la prochaine pause, ça sera la bonne. Hein. Ça sera la mais bonne. Mais ce titre qui contribue quand même. Hein, voilà, tout aussi. À fait, tout à fait. C'était le deuxième morceau et il y a une erreur de. De pilotage, on va dire. J'étais en pilote automatique. Voilà. Donc, je rappelle quand même à nos auditeurs et nos auditrices que Jean-Michel et moi, nous connaissons. Donc, le tutoiement et de passe, bien sûr. Jean-Michel, donc, avec le recul du temps, comment regardes-tu ton parcours aujourd'hui ? Alors, mon parcours, effectivement, c'est ce que j'ai un petit peu introduit. Hein. C'est la musique, de manière générale. La musique et maintenant la musique. Je fais plus de films depuis quelques années, mais je fais que de la musique. Simplement, je me suis toujours rendu compte que la musique avait un pouvoir extrêmement important en ce qui concerne les émotions, sur le comportement. Et il y avait certainement quelque chose à faire en ce qui concerne le traitement et le soin et les thérapies possibles à l'encontre des personnes âgées et notamment les gens atteints d'Alzheimer. Et donc d'où l'idée de faire ce film, ce premier film, puis ce deuxième film. Et ce qui a été aussi, est-ce que j'ai fait des premières rencontres. Et ces rencontres, je suis allé faire des repérages, ce qu'on appelle quand on veut faire un documentaire digne de ce nom, on fait des repérages, on essaie de comprendre, on va prendre l'air du temps, etc., faire des petites enquêtes, voir des personnages, comme on dit, entre guillemets, là, il s'agit de patients, de personnes. J'ai été fortement impressionné par le besoin de gens qui déjà étaient atteint un peu de la maladie d'Alzheimer, de vouloir transmettre des choses et de vouloir s'exprimer. Et il y a deux choses auxquelles je tiens vraiment à dire, que dans la musicothérapie, dans la pratique de la musicothérapie, il y a de la musique, bien entendu, on va pouvoir s'étendre là-dessus en ce qui concerne la voix, mais aussi il y a deux choses qui interviennent, c'est le regard et le toucher. Quand on travaille avec des personnes âgées, il y a le regard qui compte énormément. Ça, c'est très important. Il y a deux choses qui ne changent pas beaucoup dans la vie, c'est les yeux et la voix. D'accord. Donc, t'as répondu un petit peu à la question que j'avais préparée en suivant, mais pourquoi parmi tous tes films, parce que je sais que tu n'as pas fait que sur la musicothérapie, tu as, comme je l'ai dit, un petit peu bourlingué, je sais que tu as été à Haïti, enfin que tu as été filmé des artistes en France, un petit peu partout. Pourquoi spécialement, qu'est-ce qui t'a amené à aller dans cette EHPAD? Ces rencontres, je me suis dit, là, je tiens quelque chose de très fort. Ces gens qui, à travers leur regard, m'invitent aussi à rester à leur côté. Le besoin, un très fort besoin de vouloir exprimer, transmettre des choses. Parce que il y a une chose, c'est que, plus on vieillit, plus on devient invisible dans la société. Et ça, les personnes âgées, ils le ressentent énormément. Ils le ressentent énormément parce que ils sont toujours en réalité conscients, même si des fois ils ont du mal à s'exprimer, et surtout s'ils sont atteints de la maladie d'Alzheimer, ils nous ont du mal à exprimer. Puis des fois ils sont pas très bien entendants, donc on a l'impression qu'ils ne réfléchissent plus, qu'ils ne sont plus conscients de ce qu'ils vivent et qu'ils ne voient pas, ils n'entendent pas les gens qui sont autour d'eux. Alors qu'en réalité c'est totalement faux. Ils sont toujours là. Ils réfléchissent, ils sont conscients de leur état, la plupart du temps, sauf arriver à un certain stade, évidemment, d'Alzheimer. Enfin, ils sont conscients très, très, très tardivement. Et là, je me suis dit, ça m'a vraiment sensibilisé, aussi, évidemment, par rapport à ma propre vieillesse, comment je pouvais entrevoir et comment j'appréhendais ma propre vieillesse. Enfin, quand j'ai tourné le premier film, j'avais 20 ans de moins, donc j'avais 40 quelque chose. J'étais encore et c'était un choc et en même temps impressionnant, plein d'émotions et en même temps un aboutissement par rapport à ce que j'aurais pu faire avant, effectivement, mais j'ai fait autre chose après, mais c'était effectivement plutôt la musique, les artistes, le spectacle, etc. Voilà. Justement, en regardant, parce que j'ai eu l'occasion de regarder ton teaser, notamment, justement, en regardant ton savoir-faire, j'ai eu le sentiment que tu étais une sentinelle de la dignité. Tu ne filmais pas la déchéance, mais la persistance de l'être. C'est un vrai travail de dentelier. Toi qui as connu les grands reportages, comment gères-tu cette juste distance quand on entre dans l'intimité d'une personne qui ne peut plus, presque plus communiquer que par une mélodie ? Alors, très intéressant. Je te remercie vraiment d'avoir pensé à poser cette question-là. Parce que effectivement, il y a une manière d'aborder. D'abord, il faut être présent. Il faut vivre avec eux. Il faut être présent et puis pas les regarder à travers l'objectif ou le caillou, comme on dit. Surtout pas la caméra. D'abord, elle était pas. Je l'ai pas tout de suite amené la caméra. Je suis pas arrivé tout de suite avec la caméra. Mais t'es venu t'imbiber. T'es venu. Après, ouais, deuxième, troisième fois, je suis venu avec ma caméra. Elle était à côté. Je tournais pas tout le temps. Surtout pour pas les affoler au départ, je pense. Voilà. Oui, voilà, parce que faut d'abord qu'ils comprennent qu'il y a une personne. Voilà, un petit peu comme un photographe qui va faire de l'animalier, va se faire voir un petit peu pour que le gibier prenne le sens avec un petit gibier, peu. Avec le gibier, drôle de comparaison. Voilà, je parle avec mon côté, oui. Pas reportage direct, mais préparé sur l'animal, sur le côté gibier ou autre. Alors, simplement animal. Pas s'apitoyer parce que comme je vous ai dit juste avant, ils sont conscients, réellement, ils sont conscients, sauf que des fois, on a l'impression qu'ils ont du mal. Comme ils sont pas toujours bien entendants, on a l'impression qui capte pas ce qu'on vous dit, ce qui se passe. En réalité, si, de la même manière que vous, et en plus avec des acquis des fois bien supérieurs, parce qu'ils ont une vie qui les ont précédés. Et faut pas oublier qu'ils étaient, même à 80 ans ou 90 ans, ils étaient des belles mamans et des beaux papas. Oui, tout à fait. Ils ont une vie amoureuse. Ils ont été. Moi, j'ai eu de toutes sortes de choses. J'ai eu un pilote de Concorde. Qui était justement très très jeune. C'est pour ça que j'y pense. Ouais. J'ai eu des tas de. Alors, je vais pouvoir vous raconter toutes les sortes de gens que j'ai pu voir. Et la manière dont on peut rattraper, c'est justement cette dignité. Oui, c'est-à-dire que. Quand j'ai dans la tête, j'ai le souvenir d'avoir vu dans ton teaser un monsieur qui avait perdu, enfin qui n'arrivait pas à poser le mot Alzheimer, mais qui parlait d'Amsterdamer. Ah oui. Pour ce souvenir. Ouais, ça, c'est un petit truc qui m'a. Un petit détail qui m'a fait sourire, quoi. J'ai trouvé oui, ça mignon. Était, vraiment, je vois très bien à qui tu fais allusion. C'était un couple et ils étaient tous les deux atteints d'Alzheimer. Ils ont fini tous les deux au cantou de l'EHPAD. Ah, et alors, ils ne trouvaient pas le mot. Alors, pour lui, prenait encore ça à la rigolade. Hein, mais il savait qu'il y avait quelque chose. Et il ne savait plus Alzheimer. Mais il parlait d'Amsterdamer. Amsterdamer. J'ai trouvé ça vraiment mignon. Oh, c'est mignon. J'ai bien réécouté. Ils sont très tous. Ouais. Ils sont adorables. Parce qu'il y a aussi une chose qui souvent, je crois que Guy Bedos disait ça en parlant de Sophie Daumier, je reprends ses mots parce que je me souviens, il a dit jusqu'à un certain stade, ils sont pas tristes, ils se rappellent que des bons souvenirs, mais c'est un peu vrai. Hein. Je vais vous expliquer. C'est des bons clients de ce côté-là, et c'est plutôt même des fois agréable, quoi. C'est plein d'enrichissements. Ouais. D'accord. As-tu j'ai beaucoup de questions, beaucoup de questions, et je pense que tu as beaucoup de choses à me dire aussi. Et n'hésitez pas, auditeurs, auditrices de la France, de la région ou du monde entier, si vous avez des questions à poser, posez-les sur ma page Didier & Co, et on prendra le temps d'y répondre un petit peu plus tard. On vous fera un petit retour là-dessus, faire un petit coucou simplement, c'est toujours sympathique pour nous. Donc je vais te demander, est-ce que tu as un souvenir précis où tu as senti que ta caméra ne dérangeait pas ou ne dérangeait plus, mais qu'elle aidait à tisser des liens. Oui, alors elle aidait à tisser des liens. C'est d'abord ce qui aidait à tisser les liens entre eux, c'était ces fameux ateliers de musicothérapie quand même. Bien sûr. Mais hormis la musicothérapie et les musicothérapeutes qui étaient présents. Ma personne était là, j'étais là aussi. Donc j'étais là tout le temps, deux fois par semaine, une fois par semaine, ça dépendait des périodes. Je restais 2-3 heures à chaque fois, facile. Et il y a une chose, en tout cas... En pensant à ça, cet atelier, c'était une fois par semaine, mais on les voyait des fois deux fois par semaine. Il y a des gens, pour la plupart, ils avaient déjà de sérieux problèmes de mémoire cognitive, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la mémoire des faits, on se rappelle plus de ce qu'on a mangé le midi, par exemple. Et pour certains, ils ne savaient même plus que ce qu'on avait dit 20 minutes avant. Mais ils sont vous allez voir jusqu'où on peut aller fait, avec la musique. Ouais, voilà. Et alors, mais quand ils arrivaient le mercredi, pour certains, même il y en a certains qui étaient complètement à faune. Aphasique, je veux dire, pardon. Ah, d'accord. Aphasique. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a certains qui murmuraient, qui n'arrivaient plus à parler réellement. Eh bien, ils ne savaient même pas, ils ne se rappelaient plus forcément ce qui s'était passé la semaine d'avant. Sauf que quand ils arrivaient, quand les portes s'ouvraient de la grande salle de l'atelier, eh bien, il y avait les rires, la joie s'élevait. Ils étaient là, ils s'illuminaient, les yeux étaient grands ouverts, parce qu'ils savaient qu'ils allaient passer un bon moment. Ils savaient que là, il se passait quelque chose. C'était l'instant pour eux de... Oui, et alors... Sans savoir qu'ils y allaient, en fait, Sans savoir, mais quand même, il y en a qui se rappellent un petit peu, mais il y en a, ils se rappellent pas ce qu'ils ont fait. Hein. Ils se rappelaient pas. Mais je vous ai expliqué comment, grâce à cette manière de faire, d'accompagner le chant actif, travailler sur la voix, on peut travailler sur la mémoire. Voilà. Et après, on peut se souvenir, il s'agit quand même d'une chose assez incroyable, mais prouvée scientifiquement maintenant, c'est qu'on arrive grâce à ça, à ces méthodes-là, eh bien, à recouvrer une partie de la mémoire, ou à entretenir quelque chose. Voilà. Mais c'est bien plus que ça encore, c'est aussi entretenir l'individualité, la dignité de la personne, du patient. Et aussi par rapport aux anecdotes, il y avait une femme qui avait tissé un lien affectif avec moi. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est une dame qui avait déjà 8 enfants. Oula, simplement, elle se rappelait d'aucun de ces 8 enfants. Qui venait régulièrement la visiter. Elle ne connaissait pas. Et à force de me voir régulièrement, moi... T'es devenu son enfant ? Eh bien, je suis devenu son fils. Ça ne m'étonne pas. Ça, c'est très prenant. Et elle était quasiment aphasique. Mais elle était accrochée à moi, mais ça n'empêche que... Là, c'était un des patients les plus atteints qui étaient dans le groupe. Mais n'empêche que à chaque fois qu'elle était là, il y avait moins de déambulation. Les rapports avec le personnel de santé étaient beaucoup plus cool, beaucoup plus serein, oui, parce qu'on passait du temps avec la musique. J'ai tenté d'en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà. Ces moments que tu décris, Jean-Michel, c'est précisément là où l'image s'efface pour laisser un petit peu la place à la vibration, en quelque sorte. C'est le moment où la musique prend le relais du regard, je pense. On va s'immerger d'ailleurs tout aussi dans cette écoute. Voici notre deuxième escale musicale, mais je pense que on va aller voir du côté du bal, hein, du petit bal perdu ce coup-ci. Voilà, avec Monsieur Bourvil. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Voilà, c'était le petit bal perdu du regretté Bourvil. Eh oui. Je crois que tu m'as dit que tu avais quelque chose à dire oui, à ce sujet-là. Là, c'est un résumé. Enfin, c'est un résumé. C'est un plaidoyer et aussi qui permet de comprendre cette force, ce véhicule qu'est la musique par rapport à la mémoire et aux émotions. Parce qu'on se souvient pas forcément où on a entendu la musique. Et c'est comme cette chanson, le petit bal perdu, on ne sait plus comment il s'appelait, où il était ce petit bal, mais ses amoureux savaient qu'ils étaient heureux et qu'ils s'y sont rencontrés. Et c'est ça, en fait, la mémoire permet de fixer un certain nombre de souvenirs plus facilement que... Pourquoi ? Parce que la musique passe par les émotions d'abord avant d'arriver à l'intellect. Et c'est pour ça qu'avec la musique, on arrive à travailler pas mal sur certaines parties de la mémoire, sur le cerveau. Parce que, comme vous savez, il y a la mémoire sémantique, les premiers acquis de la vie. On ne sait pas tous. Tout le monde ne sait pas comment fonctionne un cerveau, ouais. Jean-Michel. Moi-même en premier... Un petit peu, mais bon, pas tout. Alors, il y a la mémoire, effectivement, il y a la mémoire cognitive, la mémoire des faits, hein, ce qu'on a mangé avant, ce qu'on a fait il y a une demi-heure, dans un temps assez récent. Et il y a la mémoire sémantique. Cette mémoire sémantique peut être réactivée, en fait, par les émotions. Il y a une deuxième mémoire qui est un petit peu plus tangible entre les deux, qui est la mémoire qui correspond plus à la, qui est dans l'inconscient, qui est beaucoup plus liée aussi à l'émotion. Et c'est là-dessus qu'on travaille en musicothérapie. D'accord. Je voulais juste faire un petit pour les auditeurs qui nous prennent en cours de session, là, en cours d'émission plutôt. Voilà. Donc Jean-Michel et moi nous connaissons. En plus de ça, là, c'est une personne qui est vidéaste, qui a filmé dans les EHPAD notamment, et là, travaillé la musicothérapie surtout pour le troisième âge, pour les gens d'un certain âge, on va dire. Mais la musicothérapie, il faut pas oublier que ça va de l'enfance jusqu'à ça aide beaucoup. Oui, et voilà. Ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais je passe un petit message. Si toutefois il y a une ou un musicothérapeute spécialiste, donc diplômé, qui nous écoute, ils peuvent tout de suite, m'écrire en MP sur ma page, et je pense que je referai une émission avec un spécialiste ou une spécialiste vraiment de la musique pour entrer dans le côté plus médical, on va dire. Parce que là, je crois que tu vas nous en dire beaucoup, mais on verra. De toute façon, c'est une prévision, c'est pas quelque chose qui est à faire dans les jours à venir. Voilà, on a parlé de l'image, mais revenons au cœur de ce qui nous rassemble aujourd'hui, un petit peu la musicothérapie. Jean-Michel, quand tu étais derrière ton objectif, tu étais aux premières loges pour observer ce miracle, sonore. Certains voient la musique comme un simple divertissement, mais toi, tu as filmé un véritable soin. qu'est-ce que tu as vu ou pu penser physiquement chez ces résidents? Physiquement, c'est beaucoup plus indicible que ça. Mais ce qui est important, c'est le travail avec la voix. Donc, il y a, comme j'ai dit aussi au début, c'est qu'il y a plusieurs pratiques de la musicothérapie. Là, il s'agit bien d'une musicothérapie où les gens sont acteurs. C'est-à-dire qu'on leur demande de chanter. Et précisément dans ce deuxième film, ils ont même coécrit entre eux des chansons qui ont abouti à la fin à l'enregistrement d'un CD-ROM. Et ce qui est donc encore plus étonnant, c'est que, eh bien, comme je vous disais, ils ne se rappellent pas toujours de ce qu'ils ont fait le matin la veille, mais quelques mois après, ils arrivaient à se rappeler. Et donc, on a confondu des gens en plein... quand je les interviewais, je les filmais. Eh bien, non, mais moi, je ne suis pas capable de chanter, je ne me rappelle pas les paroles. On avait juste démarré les premiers mots et il est parti tout seul à chanter la suite de la chanson qu'ils avaient coécrit entre eux quelques mois avant. Donc c'est quand même assez impressionnant et c'est vraiment beaucoup d'émotions pour eux, mais pour nous, pour moi, ce que c'est très important à dire, c'est la voix. Pourquoi la voix? Parce que la voix, c'est l'instrument le plus empathique. C'est la voix, c'est la musicothérapeute. Nous travaillons face aux gens. Et le regard, beaucoup avec le regard, et la voix de l'un vers l'autre, du thérapeute vers le patient, vibre. On vibre avec la voix. On fait vibrer le diaphragme, on fait vibrer une partie du corps, et il y a une empathie qui s'opère, qui est très importante. Et la personne en face, même si elle n'a jamais chanté de la vie, d'ailleurs c'était à la grande surprise d'ailleurs de certaines familles, « Ah, mais moi, je n'avais jamais entendu mon père chanter comme ça. » Et là, il s'est mis à chanter dans l'EHPAD, etc. Et avec sa propre voix, et ça mène à quoi en réalité? C'est l'existence, c'est la prise de conscience de sa propre identité à travers la vibration de son corps. C'est sentir son corps, les vibrations. Ce que vous ne voyez pas, bien sûr, à la radio, ce sont les images que moi j'ai à travers notre hublot. Si nous sommes séparés par une vitre, et c'est que Jean-Michel mime tout ce qu'il dit en fait quand il parle du thorax, quand il parle du diaphragme. Je peux savoir exactement où ça se trouve. Il n'y a pas de souci, juste en le regardant. Voilà, c'était juste un aparté. Oui, alors alors il y avait tout un travail de vocalise pour chauffer, évidemment, un peu comme font les chanteurs professionnels, ils font des vocalises un petit peu de la même manière, on les décontracté, un certain travail d'assouplissement un tout petit peu, et travailler sur la vibration des vocalises, sur le diaphragme, sentir la voix, son ventre, et même la voix de tête. Et ça amène à quoi en réalité? Eh bien, j'existe, je me sens. Parce que ces personnes-là, faut pas oublier, dans beaucoup de cas, souvent, elles sont un petit peu posées dans des coins, dans des pièces, etc. Elles sont pas toujours très actives, on ne s'occupe pas toujours d'elles. Mais alors là, elles se réaffirment. Et en se réaffirmant, elles réexistent, elles retrouvent une forme d'individualité, elles retrouvent leur identité et leur voix. Et leur voix, d'ailleurs, se mue à nouveau. C'est au départ la voix extrêmement coincée, une petite voix qui frémit. Puis au bout d'un moment, au bout de quelques temps, quelques semaines, quelques deux, trois mois, eh bien, la voix s'élargit, elle s'éclaircit un petit peu. Et chez ces personnes-là, je parle vraiment de ces personnes-là, c'est qui, évidemment, au bout d'un... Ce que voudrais dire aussi, c'est très important par rapport à ça, le bénéfice de tout ça aussi, c'est que ils sont moins anxieux. D'accord. Ils sont beaucoup moins anxieux. Ouais, ça les relâche un petit peu, ça déstresse. Ils sont moins anxieux, il y a moins de déambulation. Ça, c'est des constats du personnel de santé. C'est pas que moi qui les affirme. Il y a eu des observateurs après. Il y a eu des. Je pourrais vous parler de Pierre Lemarquis, qui est un chercheur justement. Qui est chercheur en neurophysiologiste, voilà, j'arrivais pas à dire neurologue et neurophysiologiste. Eh bien, il a remarqué tout ça, il a travaillé là-dessus et il a constaté les mêmes choses, de la même manière que Boris Cyrulnik aussi a témoigné de ces travaux-là. Voilà. Et donc, c'est important parce que il y a plein de petites choses qui fait que on redonne de l'importance à l'importance à la personne. Par exemple, bien se coiffer le matin. Il y a des personnes de santé qui viennent. Prendre soin de soi. Parce voilà, que prendre de même soin. Si on a, excuse-moi de te couper, mais même si on a plus le souvenir, on a quand même son image. Et quand on se voit dans c'est comme des personnes qui sont atteintes de cancer ou autre, même si ils ont la maladie qui les touche beaucoup, rien que le fait de se revoir physiquement, de se découvrir ou de se redécouvrir physiquement, ça donne quand même c'est énorme. Son image, sa propre image à tous les niveaux, à tous sens du terme. C'est mais là les assistants, voilà, tout à fait. Les personnels de santé viennent s'occuper, ouais. Et le faire en sorte que le patient ait encore envie de s'occuper de lui, de se coiffer, c'est aussi important. C'est très important. Mais alors là, on travaille avec la voix. Donc la voix, c'est l'être intérieur. Voilà, il se rend parce que bien souvent, quand ils sont, je veux pas dire cloisonnés, mais quand ils sont dans leur chambre, quand ils sont tout seuls, ils peuvent pas se parler tout seuls. Donc là, de pouvoir retravailler, de réentendre sa voix, de se voir, de c'est ça. Voilà, c'est évidemment tout le monde n'a pas cette chance-là. Bien sûr. Ces ateliers ont pris, il y a eu un essor ensuite parce que je pense que cet atelier dont je parle, ça se démocratise de plus en plus parce que c'est vrai que parler de musicologie il y a quelques années, ça faisait un petit peu peur. Ouais. C'était pas tabou, mais pas loin. Il y a quelques années, il y a 25-30 ans de ça. Même. Cet atelier-là avait démarré, donc le premier film était en 2005, ça faisait déjà 3 ans qu'ils étaient dessus, donc c'est 2002 par là, dans voilà, ces donc et je peux vous dire qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de psychiatres qui se penchaient sur la question, qui avaient envie de voir et d'observer ce que l'on faisait. Est-ce que tu as des exemples de réveil, entre parenthèses, je dis bien réveil, entre parenthèses, ou de transformation que seule la musique a pu provoquer? Alors, là y en a une qui m'a où tout le reste avait échoué. Alors, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est très symptomatique et surtout très évocateur. J'ai un exemple. C'est un couple qui ne se connaissait absolument pas. Ils étaient un petit peu mutiques, dont un sur les deux qui, pareil, parlait italien alors qu'il ne parlait plus l'italien depuis 70 ans. Il est arrivé en France tout petit, enfin jeune garçon. Il a perdu le français. D'où je vous dis la mémoire sémantique. Là était encore le français ou l'italien. Et il parlait l'italien, mais il parlait plus le français, qui est sa deuxième langue. Il a rencontré lors de ses ateliers, parce que c'était en groupe aussi, on travaillait en groupe. Bien sûr. Il a rencontré une femme, une Française, à peu près le même âge ou un peu plus jeune, qui elle était Française, et ils se sont réveillés à travers cet atelier, parce qu'ils étaient vraiment mutiques, chacun de leur côté, la tête baissée, la plupart de la journée, etc. Donc c'était pas très très sympathique, c'était un petit peu, par moments, un peu désolant. Et là, c'est une très très jolie histoire, parce que ces deux personnes-là se connaissaient absolument pas avant. D'accord. Ils sont restés plusieurs mois, c'est 2 ans, ils sont restés 2 ans, je me rappelle, dans l'atelier quand même, c'est important, hein. Ça a duré longtemps, l'atelier, je tiens à le dire. Au bout de 2 ans, eh bien, ils étaient persuadés tous les deux qu'ils étaient mariés et femmes et qu'ils avaient des enfants. C'est mignon. Ah, c'est super mignon. C'est aussi mignon que l'Amsterdam. Mais qu'est-ce qu'ils étaient? Mais alors, souriants. Parce qu'on peut toujours avoir une idée un petit peu saumâtre de ce que peut être l'Alzheimer, mais je peux vous dire que là, ils respiraient le bonheur, ils étaient souriants, ils avaient des visages expressifs, et lui, il parlait tant qu'il... Puis alors, elle disait, ah, mais vous savez, il parle très bien français, normalement, hein, mais... D'accord, voilà. Ah, ça allait jusque-là, ouais. Ah, oui. Et ils étaient là, ils se retrouvaient, ils se sont rencontrés, un petit peu comme deux jeunes pouvaient se rencontrer dans le petit bal perdu de Bourville, hein. D'accord. Voilà. D'accord. Ben écoute, tu nous racontes plein d'anecdotes. Là, on voit qu'il y a du vécu, regardez, et ça fait quelques années, donc c'est bien entré et ancré en toi. Mmh. Voilà, moi, je vais juste faire un petit aparté là pour continuer un petit peu dans l'émission. Donc, il est 14h44. Vous êtes sur Didier & Co, Radio Arc-en-Ciel 96.2, Orléans. Et juste avant de continuer notre vol en compagnie de Jean-Michel Cuez, je vais vous faire une petite annonce, une Mavrica annonce, on va dire ça, parce que vous savez, je travaille en partenariat avec mon ami Albino, qui est animateur de l'émission Mavrica qui a lieu le vendredi soir. En général, je serai normalement demain aussi. Et c'était simplement pour vous donner une petite information pour les gens de la région. Le 21 février, il va y avoir un concert Mavrica, donc organisé par l'association Mavrica, à l'auditorium de la Chapelle Saint-Mémin, Espace Bérère. Ça sera l'opus numéro 1. C'est un rendez-vous qui aura lieu qui commencera à 20h avec deux groupes orléanais que nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure. Donc entre autres, peut-être pas dans l'ordre, mais entre autres, il y aura Recto Verso, un couple de deux jeunes filles qui vont nous chanter quelques compos et quelques reprises, et Swing Camille qui va nous faire un petit peu du jazz manouche. Donc l'entrée est à 6€ si vous voulez donc venir participer, faire travailler un petit peu l'association Mavrica qui a besoin de vous. N'hésitez pas à venir donc à l'auditorium Bérère le 21 février. Voilà, ceci étant dit. Jean-Michel, c'est fascinant parce que tout ce que tu nous décris, c'est la musique qui vient chercher la partie intacte de la personne, celle que la maladie n'a pas pu encore toucher. Oui. En tant que témoin, comment as-tu perçu la relation entre le musicothérapeute ou la musicothérapeute, le soignant et le résident, et qu'est-ce qui se joue dans cet échange visible au-delà des notes ? Eh bien, trois questions dans une, hein, oui, pour alors, le même prix. C'est un pilote, comme toi, commandant dans l'avion. Hein, c'est simplement cette musicothérapeute est vraiment un pilote, un rendez-vous. C'est un rendez-vous, un phare. C'était quelque chose parce qu'en plus, elle rayonnait. Cette femme rayonnait énormément et il y avait un amour à travers ses yeux. D'abord, pour faire ce genre de choses, faut aimer les gens. Déjà d'une part, hein, faut aimer les gens. Et elle était absolument, les patients étaient fascinés, et puis ils savaient qu'ils allaient passer un moment agréable, tout au moins. Et même si des fois ils se souvenaient pas de ce qui s'était passé la fois d'avant, eh bien ils savaient qu'ils avaient, ils allaient passer quelque chose, il allait se passer quelque chose de bien, et qu'ils allaient rire, chanter, etc. Et ça, c'est important parce que la musique, c'est quand même permet de mettre en forme les émotions ou des traumatismes que la parole ne parvient pas encore à exprimer. Ou ne parvient plus donc à exprimer. La musique, elle est là avant et elle est là après. D'accord. Et j'avais envie de reprendre aussi ce que pouvait dire Boris Cyrulnik. Pour lui, il y a quand même deux actions très importantes. Il y a une action biologique. Elle stimule la sécrétion de molécules comme la sérotonine, donc l'apaisement par exemple, et les endorphines, soulagement de la douleur. Mais non seulement ça, mais la pratique de l'écoute musicale et de l'écoute aussi, mais d'être actif vocalement, sculpte le cerveau en créant de nouvelles connexions neuronales. D'accord. Chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. Voilà. Voilà. Okay. Et ça, c'est une chose. C'est quand même. Tu peux développer un petit peu plus, hein, si tu le souhaites. La musique sculpte le cerveau. La musique, on s'est aperçu que chez les musiciens professionnels, eh bien, ils développaient une partie du cerveau. Pas chez les amateurs. Oui, pour dire que tout au moins les musiciens ou les chanteurs qui pratiquent beaucoup. Les pratiquants. Voilà, ouais, qui pratiquent beaucoup, effectivement. Je croyais qu'il y avait une cloison entre le professionnel et l'amateur. Heureusement non, parce que parce qu'on est tous les deux dans la partie aussi de la musique. C'était pas des professionnels, hein. Ils se sont même découverts chanteurs au bout de 70 ans. Voilà. Ou plus. Ouais, en effet, donc ouais. C'est ça aussi. Donc ça permet de raccorder les petits neurones là-dedans, hein. Ça permet de développer et aussi de se servir. Alors là, c'est très important aussi. C'est que pourquoi on arrive à réactiver une mémoire, disons, peut-être fugace, mais on arrive à réactiver parce que justement, la musique véhicule les émotions. Et les émotions font partie, sont le siège de la mémoire sémantique. C'est-à-dire que les choses qui ont été apprises dans l'enfance, à travers les émotions, quand on ne connaissait pas encore le langage, justement, avant les mots. Donc la musique, c'est un mode d'expression qui dépasse les paroles et les mots, bien souvent. C'est pour ça qu'on en... c'est pour ça que les chansons sont là sur des musiques. D'accord. Ouais. Ok. Bah c'est fascinant parce que tout ce que tu décris, hein, c'est la musique vraiment qui. C'est vrai que la musique, bah de toute façon, la musique, le son, c'est la première chose qu'on entend quand on est créé, déjà dans le ventre de sa maman. Mmh. La première chose qu'on entend, c'est le battement du cœur. Ouais. Donc faut pas oublier que c'est déjà le premier tempo et que tout ça c'est déjà ancré et que ça je pense pas te dire trop de bêtises là-dessus mais je vais pas mal avancer. Mais les bébés entendent la musique. Voilà tout à fait. Ah, oui non mais bien sûr non, c'est là qu'ils sont. Ils entendent quelque chose. Hein. Voilà mais le premier battement la première mémoire qu'on peut avoir que ça soit on n'a pas la mémoire visuelle on a la mémoire auditive et la première mémoire qu'on a c'est le battement. Du cœur de la maman et surtout de son cœur. Donc, je pense que voilà, c'est le premier, et premier justement, élément. La mémoire et les émotions ont des liens accessibles. On peut réactiver ces liens. D'accord. Avec les émotions. Ok. Donc, bah, écoute, juste avant de plonger un petit peu plus dans le milieu de la musicothérapie, je vais vous faire écouter, toi tu la connais puisque tu l'as sélectionné, un morceau qui s'appelle Je serai là, chanté par Monsieur Drapeau. Mais c'est vrai que je connaissais pas du tout ce titre et je l'ai écouté, il le joue, il est au piano, elle est vraiment prenante et pour moi elle m'a saisi, je peux dire que j'ai eu des frissons, d'émotion parce que voilà on sent et voilà il l'a chanté avec énormément d'émotion et j'ai plus le prénom du chanteur c'est Étienne Drapeau. Je crois Étienne Drapeau c'est ouais. Ça allez la voir allez sur YouTube hein, ça connu. S'appelle Je serai là alors là quand on l'écoute écoutez bien ce titre-là, on sent vraiment l'émotion et il sait de quoi il parle il sent ce qu'il parle sur tout ce qu'il dit parce qu'à un moment donné il s'arrête de chanter parce qu'il a tellement d'émotions qu'on sent ça lui serre à la gorge et il a plus la respiration pour chanter, ça le bloque et c'est vraiment quelque chose qui m'a agréablement surpris. Voilà, allez un petit clin d'œil donc à Monsieur Drapeau. Que ton avenir sera papillon, parce que s'envolent et puis s'exilent les souvenirs de tes saisons. Quand tu seras seul sur ton île, que tu ne verras à l'horizon que quelques visages en exil dont tu ne te souviens plus le nom. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille. Mais tes yeux me disent, tu comprends pas. Quand pour moi, ce sera plus possible. Pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main. Tout bas, je te dirai, je suis là. Si dans ta tête, tout est si loin. Je sais que ton cœur, lui, comprendra. Les jours et le temps qui file auront enfin quand les jours et le temps qui file auront enfin gagner la guerre. Là, quand ton corps frêle, immobile, deviendra ta prison de verre. Quand tous les mots seront futiles, un seul regard sera nécessaire, car je sais qu'à jamais il brille, l'étincelle dans ton cœur de mère. C'est moi ton fils, c'est moi ta fille, mais tes yeux me disent, tu comprends pas, quand pour moi ce sera plus possible, pouvoir te serrer dans mes bras. Je te prendrai doucement par la main, tout bas je te dirai, je suis là. Si dans ta tête tout est si loin, je sais que ton cœur lui comprendra. Qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que je ferai? Je serai là. Oui, je vois que Jean-Michel me fait un petit signe de la main. Je vais lui donner le micro. À toi, Jean-Michel. Alors, oui, c'est extrêmement émouvant et on sent qu'il y a du vécu, évidemment. Et on peut tous. Cette chanson nous renvoie aussi, évidemment, à nos propres parents, nos aïeux vieillissants. Et là, dans cette chanson, il y a deux choses qui transparaissent. C'est déjà, quand il parle, il n'y a plus que l'œil qui s'exprime, il n'y a plus que l'œil qui raconte. C'est l'œil qui dit, mais quand on sait regarder dans l'œil et se laisser... quand on se laisse aller au regard, eh bien, comprendre. Ouais, ouais. On peut comprendre beaucoup de choses sans les paroles, quand on s'adresse à ce genre de personnes. Et ça, on le vit quand on est aidant. Donc, deuxième chose... ça, c'est le problème des aidants. Et c'est terrible. Le plus terrible, c'est, quand je disais tout à l'heure, ça pouvait paraître un petit peu léger, que les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer étaient des bons clients d'une certaine manière. Évidemment, du côté des familles et des aidants, il s'agit bien d'autre chose. C'est très difficile d'accepter, de comprendre que ses parents, ses propres parents, ne sont plus les parents aidants. C'est plus eux, c'est nous qui devenons des aidants. C'est nous qui, la vapeur se renverse. Et ça, c'est très difficile à vivre pour la plupart des gens, évidemment. Alors, quand on fait partie des personnels de santé, ou quand moi, mon équipe, et puis les musicothérapeutes étaient là, c'était effectivement plus facile à vivre de ce point de vue-là, évidemment. Mais on s'attache quand même, on s'attache beaucoup à ces personnes-là, parce que même, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette femme qui pensait que j'étais son propre fils, je peux vous dire que c'était une sinécure pour les propres enfants qui venaient de temps en temps. Bien sûr. Ah, ouais. C'était une sinécure. Mais on était là pour rendre les choses plus légères et pour nous, c'était une relation nouvelle. Donc c'est, ça se vit pas de la même manière. C'est pour ça qu'il y a des endroits, des professionnels, etc. Et qu'une famille peut pas tout faire. C'est très très difficile de tout faire soi-même. Pareil pour le compagnon, la femme ou le mari qui a son mari ou sa femme qui est Alzheimer alors que lui-même ne l'est pas ou elle-même ne l'est pas. Ouais, ça c'est très difficile à vivre. C'est très difficile. Hein. Quand je dis voilà. Pas facile, c'est très difficile à vivre. J'imagine. Heureusement, moi, j'ai pas été touché par des parents qui ont été Alzheimer. Bon, ils sont peut-être partis un petit peu avant, trop tôt d'ailleurs, toujours trop tôt. Je n'ai pas, mais bon, je connais des personnes qui sont un petit peu plus jeunes que moi. Je suis pas vieux, hein, mais un petit peu plus jeunes que moi et qui sont déjà Alzheimer. Donc, c'est ça. Et là, Alzheimer ça fait, avant, on mettait Alzheimer dans le gros sac qui était les démences. Bah, là, tu t'en rappelles plus. Ça y est, t'as Alzheimer. C'est un petit peu le réflexe bateau. Mais bon, non, c'est un petit peu plus dur que ça. Et je pense que de le vivre au quotidien dans la famille, peut-être quand on voit son proche tel qu'il soit, son époux, son épouse, son père, sa mère, sa sœur, ça doit être un moment très difficile. J'ai un petit peu côtoyé ce milieu quand j'étais en milieu de soins, enfin dans les ambulances, et c'est vrai que ouais, c'était mais dans la chanson, dans les paroles de fils Souchon, j'ai plus son prénom, et Souchon Pierre, je crois, et à quoi tu penses. Il s'agit un peu de ça. Là, on ne sait pas s'il s'agit de démence ou d'Alzheimer, mais ça se rejoint. Oui, bien sûr. Où est ton esprit? Mais on voit bien dans les yeux, tu n'es plus capable d'exprimer les choses et tu penses qu'on ne comprend pas, mais on peut lire. Voilà. On lit à travers le regard, puis la voix, comme l'écoute de la voix, comme tu disais, la voix, on le ressent partout, hein, même sur scène, on sent, même là, si je souris, par exemple, j'ai pas trop envie de sourire aujourd'hui, je suis assez très sérieux, mais enfin, j'ai pas envie de sourire, de vous sourire, si bien sûr, mais ça s'entend déjà à la voix quand on est derrière un micro, et c'est vrai que quand on est sur scène aussi, de transmettre son truc, son énergie par la voix et par le grain de la voix, certes, mais par le sourire et par la Par sa voix. Alors, je voulais juste une petite chose. Mais vas-y. Sa voix, c'est comme une empreinte, la voix. Tout à fait. On peut le remarquer. Comment on peut faire pour qu'à travers des milliards de voix, on arrive à reconnaître tel chanteur, chanteuse, etc. C'est bien une empreinte. Bien une individualité, c'est bien une identité, c'est bien un être intérieur. Donc c'est bien quelque chose de très tangible et de fortement c'est sensible, indicible. Et là, il s'agit bien de la voix. Et c'est pour ça que je pense que la voix trahit la voix. L'échange de la voix qui résonne de l'autre vers l'autre, vers soi, c'est très puissant. Parce que, évidemment, on peut jouer, on peut faire des tas de choses avec les instruments de musique. Il y a la voix, il y a dans le côté intonation, mais dans la façon d'intoner la voix, de tout ce que tu vas transmettre à travers la voix, tes émotions, ton chagrin, ta joie, ton amertume, ton regret, ta colère, ces intonations, elles ne trompent pas. Et je pense que dans la musicothérapie, ça se travaille tout à fait pour aller chercher, peut-être, ce sont peut-être aussi des, tu vas peut-être pouvoir m'en répondre, ce sont des leviers de temps en temps qui peuvent aider. Pour ce genre de personnes, parce qu'effectivement, on peut aborder d'autres pratiques de la musicothérapie. J'ai aussi filmé des ateliers avec les autistes, et là, on travaillait un peu plus avec des percussions. D'accord. Parce que la notion de rythme, c'était très difficile pour eux. On va en parler juste après. Si tu me permets, je veux pas te couper, hein, loin de là, mais voilà, on va parler un petit peu de tout ce qui est des instruments. C'est vrai que, de toute façon, même dans la musique en général, hein, qu'on écoute n'importe quel style de musique, la musique, c'est pas simplement des notes, c'est des messages qui passent, c'est quelque chose. C'est des notes et des silences. C'est des silences. Et la musique existe que s'il y a des silences entre les notes. Voilà, et le plus, c'est savoir écouter les silences. Voilà, et c'est là que ça permet un petit peu à notre corps de se reposer et de prendre possession de ce qui se passe en ce moment. Et écoute, ça tombe très bien dans le fait d'en parler, parce que justement, je voulais te parler un petit peu des fréquences, ce qu'on peut avoir entre les fréquences, les couleurs et la vibration du soin, tout simplement. Jean-Michel, on sait que tous les deux, qu'une image a sa température, sa colorimétrie. En musicothérapie, c'est un peu, j'imagine, la même chose. On parle de fréquences qui entrent en résonance avec le corps. Toi qui as passé des heures et des heures et des heures, voire des jours à observer ces séances, à travers ton viseur, as-tu ressenti cette vibration physique ? Alors, c'était pas toujours qu'à travers mon viseur. Oui, j'imagine, bien sûr. C'est... Mais des fois, d'ailleurs, c'est juste pour revenir là-dessus, c'est que je filmais, moi, la plupart du temps, mais des fois, j'avais aussi un chef opérateur avec moi pour faciliter les choses, parce qu'il fallait observer autour en même temps. Donc, j'avais une équipe aussi. Hein, j'étais pas toujours à la caméra. Mais la plupart du temps, j'étais, parce pour des raisons aussi pécuniaires, parce que c'était extrêmement cher d'avoir une équipe complète tout le temps sur des périodes aussi longues. Bien sûr, puis je pense que voilà, c'est quand même des documentaires qui ont demandé beaucoup de temps et par conséquent forcément un peu d'argent. Il y a il y a certes le côté image, mais il y a aussi le côté prise de son. Exactement. Forcément. Ça c'est la gêne après par rapport au. Ah, mais au service, par rapport à tout ça, c'est un travail vraiment de pro, c'est un travail à part entière. Créer une habitude, une présence, être dans les murs sans déranger, mais en même temps être aussi très présent, parce qu'il faut être dans les chances. Parce que moi, j'ai vu des équipes de tournage arriver débouler de manière très journalistique, juste alors sans avoir fait de repérage, rien du tout, arriver avec une caméra et d'interviewer les personnes âgées comme si c'était, comme tout à chacun, des micro-totoirs de personnes lambda. Non. Et puis, les gens, mais pourquoi me pose des questions? D'où elle vient, c'est qui? Voilà. Moi, ces gens-là ne me posaient pas la question. C'est violent quand même. Je vivais avec eux. Je mangeais avec eux. Vous comprenez? C'est complètement différent. D'abord, le fait de vivre avec eux, c'est ça, mais c'est de s'intéresser. Bah, t'es investi. Hein, c'est s'intéresser à eux, leur parler, leur regard, et j'en reviens toujours à ça, le regard. Ah, ils ont besoin d'un regard parce que. Les personnes âgées, je ne sais plus quel chanteur a dit ça, mais il y en a plein qui l'ont dit, plus on vieillit, plus on devient invisible. Moins on intéresse la société. Bien sûr. Moins on existe. Voilà. Et ça, on le perçoit, mais seulement eux le ressentent énormément. Et ils le ressentent énormément. D'ailleurs, on avait fait des rencontres avec des jeunes, des jeunes classes. On avait instauré, avec l'aide évidemment des instituteurs, institutrices, etc. Ils avaient mis ça sur pied. C'était de faire rencontrer les papy-mamies de l'EHPAD de façon à ce que les jeunes fassent des revues de presse, par exemple. Les personnes âgées, eux, les commentaient et puis racontaient leurs histoires. Raconter leurs propres histoires en lien avec l'actualité, par exemple. Et ça, c'était très intéressant. Et je peux vous dire que la petite étincelle dans l'œil, on l'a vu dans ces cas-là aussi. Hein. Bien sûr. Donc là, c'est plus de la musicothérapie, mais ça faisait partie aussi de temps en temps. Il faut savoir un petit peu relâcher. Voilà. Les gens, je vais pas dire en confiance, mais reprendre un petit peu pour pouvoir mieux travailler avec eux après pour le côté. Donc il n'y a pas que la musicothérapie évidemment. Mais là, c'est tout un travail là, autour, là, hein, c'était j'imagine. Très important. Là, il s'agissait de la travailler sur la mémoire, de refaire vivre la dignité. C'est que les gens retrouvent leur dignité tout à fait. À travers tout ça. Donc, alors j'en reviens, oui. Donc à la résonance, oui, alors tout ça. Effectivement, alors je ne vais pas m'étendre trop là-dessus. Après, là, il y a des. Disons qu'il y a des champs d'exploration différents, plus ou moins alors scientifiques où la science ne voit pas, ou des fois alors ça se bagarre un peu, mais en tout cas on peut faire des relations avec les couleurs comme avec les centres énergétiques, les chakras comme on dit, ou le plexus, etc. Effectivement, avec les notes de la musique qui feront résonner certaines parties du corps plus que d'autres. À certaines hauteurs de notes. On le connaît aussi à travers les mantras, hein. C'est quelque chose d'absolument évident. Hein. Ça, c'est des choses évidentes, et effectivement, d'ailleurs, quand on parle et quand on s'écoute comme moi actuellement, en même temps dans le casque, je sais quelle partie de mon corps va vibrer le plus en fonction des notes. D'accord. Parce que là, j'ai ma voix, mais en plus, elle passe par mon oreille interne de manière un peu plus amplifiée. Et je sais si j'ai ma voix qui passe par le cou ou par le sternum ou un peu plus bas, etc. Et ça, c'est une chose qu'on appelle la vocale. Hein. C'est la pas l'avocat, je cherchais le mot, ça va me revenir. Tout le tube de la vocale, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vais aussi chercher le mot. Je cherche le mot, là, je l'avais. La colonne d'air ou. Bah, la colonne d'air, c'est ça. Oh, et comme au saxophone, et pareil. Voilà, hein, exactement. Oh, tout à fait. Ah, mais oui, c'est ça, c'est très important. Alors, quand on chante, ça paraît, quand on chante réellement, c'est des choses qu'on sait. Et puis. Oh, je sais pas si tous le savent. Il y a les phoniatres, ouais. Le savent. Donc, c'est quand même, il y a une portée quand même. Il y a quand même des sources très scientifiques là-dessus. Je peux vous dire que les phoniatres travaillent là-dessus énormément. La résonance avec le corps, c'est tout le corps qui fait résonner la voix. On est bien d'accord. Il y a la cavité d'abord buccale, le palais, il y a les sinus, mais il y a le corps. Et par exemple, il y a des grandes chanteuses, je me souviens, parce que j'ai travaillé avec des gens comme ça, sur des spectacles, etc. Barbara Hendricks, une grande chanteuse lyrique. Qui avait un problème, qui n'arrivait plus à passer une certaine note dans les aigus, et son phoniatre faisait travailler les vertèbres derrière, la résonance par les vertèbres, vous voyez, dans la nuque. Mm-hmm. Elle savait que c'était là qu'il fallait déclencher, que c'est là que ça se passait, que c'est là que ça s'est bloqué, pourquoi c'est bloqué là. Alors bon, je ne sais pas comment on fait après. Yeah. Mais enfin, c'est très précis, c'est extrêmement précis. Dans la musicothérapie, est-ce que tu l'as peut-être dit tout à l'heure, mais bon, je gère un petit peu tout, donc je ne suis pas toujours avec le casque sur les oreilles, comme on travaille en live. On est tout le temps au casque en général. Comment dirais-je, le thérapeute ou la thérapeute, le soignant, par rapport à ce qu'il y a vraiment du... Parce qu'il y a bien sûr de la musique, il y a de la parole, mais est-ce qu'il y a du toucher aussi? Par exemple, tu parlais tout à l'heure du diaphragme, de tout ça. Est-ce que la thérapeute ou le thérapeute va venir aider pour aider à sortir un petit peu... Alors, dans le cas précisément, avec évidemment la musicothérapeute aurait pu vous en parler encore un peu plus, mais là effectivement, mais c'était aussi l'aspect, le toucher fait partie de la confiance et de s'approprier une relation, d'être dans un espace vital, c'est entrer dans un espace vital, le toucher là. Il y a plusieurs sortes de toucher, effectivement. Là, c'est le toucher, disons, prendre quelqu'un par l'épaule, de faire en sorte qu'il soit rassuré, la main même, voilà, c'est des choses comme ça. Par contre, il y a aussi autre chose, et là, c'est avec les autistes qu'on avait là-dessus, on a travaillé, c'est le toucher de là où ça doit, pour dire, en fait, je me souviens, ça aussi, c'est fantastique parce que, j'ai vu des choses aussi assez fantastiques de personnes complètement recluses, enfin je veux dire complètement contractées, je sais pas comment on appelle ce phénomène, mais les mains contractées, des rictus, etc. Donc il y a beaucoup de formes d'autisme, mais je parle d'un exemple d'une autiste qui était comme ça, et on le faisait travailler sur cette sorte de tambourin, je me souviens, des percussions, des tambourins. Et j'étais avec elle et je me souviens que la personne, alors c'était pas la même musicothérapeute, c'était quelqu'un d'autre, on était ensemble, travailler en rythme et faire en sorte que cette rythmique, ce son rentre aussi à son tour dans son corps, qu'elle vienne s'approprier de cette résonance. Et on mettait la main sur son ventre, là où on devait sentir, parce qu'on sentait que c'était là. C'était un A, je crois, on appelle ça un grand tambourin. Et ça résonnait très fort dans le ventre. Et effectivement, on mettait la main et elle sentait... ça a été une révélation pour elle. Et elle s'est mise à comprendre qu'elle pouvait ressentir quelque chose comme ça. Et elle s'est mise à taper sur l'instrument de manière beaucoup plus coordonnée. Et elle s'est mise à sourire. D'accord. Chose que la personne s'est mise à sourire. Ça peut paraître très anodin. Je raconte ça, c'est du vécu. Et là, il y a de la thérapie. C'est que la personne, cette fameuse musicothérapeute qui était là, c'est dans le 15e arrondissement de Paris, je ne sais plus son nom. Ça faisait 7 ans qu'elle connaissait cette petite fille. C'est la première fois qu'elle la voyait sourire. La première fois qu'elle souriait. Voilà. Donc, le pouvoir de la vibration de la musique, voilà. Mais c'est aussi la rythmique, parce qu'on nous sommes. C'est biologique, c'est biologique. On est fait de rythme, de vibrations. Voilà. Et bien, en attendant, on va aller écouter donc monsieur Michel Delpech avec Longue Maladie. Ah oui. Alors, c'est encore. seul comme une vieille fille qui n'attend plus rien. Comme une voiture au fond d'un ravin, et rien à l'horizon, pas même un signe, pas même un train qui siffle. La nuit est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue, longue agonie quand on n'a pas retrouvé l'amour. Longue, longue maladie. Est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue, longue agonie quand on n'a pas retrouvé l'amour. Qu'un morceau de fil, et je ne repasse la même scène, ma love story, la scène du restaurant où mon héroïne à la fin du film fout le camp. Est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue, longue agonie quand on n'a pas retrouvé l'amour. Longue, longue maladie. Est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue, longue agonie quand on n'a pas retrouvé l'amour. Est-ce que tu vas durer toujours? C'est une longue, longue agonie quand on n'a pas retrouvé l'amour. Toujours sur Radio Arc-en-Ciel dans Didier & Co. Il est très exactement 15h17 et je suis toujours en compagnie de Jean-Michel Cuez qui est vidéaste, enfin qui était vidéaste, qui est, je crois, à la retraite maintenant. Vu les moustaches blanches que je vois, me fait-il, aïe aïe aïe. Et donc nous parlons de ce qu'il a filmé pendant plusieurs fois, plusieurs films, teasers et autres reportages que l'on peut retrouver. On mettra les liens plus tard sur la page Didier & Co. Donc il a tourné des films en EHPAD pour parler un petit peu de la musicothérapie sous tous ses sens. Voilà, bah écoute, je vais en profiter donc toujours depuis la radio Arc-en-Ciel Didier & Co de refaire un petit rappel juste avant de continuer notre vol donc en compagnie de Jean-Michel pour vous parler de la soirée Mavrika qui aura lieu le 21 février. C'est un petit concert à l'auditorium, ça sera l'opus numéro 1 à l'espace Bérère à partir de 20h. avec deux groupes d'artistes. Donc il y aura Recto Verso, duo féminin, et Swim Camille qui viendront nous proposer leur compo et leur cover. L'entrée est à 6€ et n'hésitez pas de venir nous rejoindre pour supporter donc l'association Mavrika et en même temps supporter, faire plaisir aux artistes qui viennent nous écouter. Et en général, ils viennent pour notre soirée, ils viennent bénévolement. Voilà, je vais repasser le micro du côté de Jean-Michel pour voir s'il a toujours un petit peu des choses à nous dire, et je pense que oui. Oui, bien sûr. Et vous voulez en venir aussi à une chose très importante, pourquoi la musique aussi? Pourquoi spécifiquement ici la musique avec Alzheimer, le patient atteint d'Alzheimer? C'est que en réalité, la mélodie réveille les paroles enfouies, les souvenirs, les émotions, et démontre que la mémoire musicale est souvent la dernière à disparaître. La mémoire musicale est souvent la dernière à disparaître. Donc c'est encore là-dessus qu'on peut travailler. Et donc quand on travaille sur la musique, on travaille sur une certaine forme de créativité. Et ça, entre autres, la créativité, ça pourrait être autre chose que la musique, évidemment. Il y a autre chose. Mais là, la musique nous intéresse plus particulièrement parce que, par rapport à la mémoire, c'est la dernière chose qui reste. Bien sûr. Voilà. Parce que ces personnes-là, notamment les personnes atteintes d'Alzheimer, mais on pourrait donc étendre à d'autres personnes, eh bien, ils ne vivent plus, on ne leur demande pas, on ne les laisse pas vivre uniquement par rapport à leur manque, leur incapacité d'être, mais par rapport à la capacité à être acteur. Et ça, c'est très important. Parce que je mets un point d'honneur là-dessus, à être acteur. Alors, évidemment, on peut faire écouter de la musique, on peut faire des animations, très bien, très bien, très bien. Des animations, milieu d'EHPAD, etc., voilà. Sauf que là, on demande à ces gens-là d'être acteurs de leur propre voix, d'être acteurs de leur moment vécu. Et ça s'accompagne forcément de discussions, de réminiscences, de souvenirs, d'émotions. Et même si les gens qui ne se rappellent pas de grand-chose, eh bien, les émotions, elles reviennent. Elles émergent. Et c'est là que c'est important. Si les émotions émergent, eh bien, l'identité, la dignité réapparaît. On s'apaise, on existe à nouveau, on est là. On n'est pas dans l'oubli, on n'est plus dans l'invisibilité. Nous sommes nous-mêmes, on se retrouve. Et en plus, on se retrouve à plusieurs. C'est d'autant plus marrant, quoi. C'est sympa. C'est vraiment le cœur du concept. Après, comment on le conduit. Mais c'est très important. C'est en fait ce véhicule de l'émotion qu'est la musique et qui est en même temps la dernière mémoire qui disparaît. D'accord. Est-ce que tu as eu le sentiment en filmant que certaines musiques apportaient, on en parlait tout à l'heure par rapport aux notes, mais est-ce que tu as eu le sentiment que la musique donc apportait une couleur particulière à l'atmosphère de la pièce, comme si un son grave ou une mélodie lumineuse changeait instantanément la texture, alors, je vais dire, de l'image que tu étais en train de cadrer? Alors ça, je suis pas vraiment sûr parce que c'est ce qui change en fonction de du. Alors c'était des chansons, des musiques qui étaient composées ou créées de commun accord ou soit par la musicothérapeute, soit par les patients eux-mêmes, hein, parce qu'il y avait à l'issue de ce film, à l'issue de ces ateliers-là, l'idée de faire un spectacle avec un CD-ROM, hein, d'enregistrement pour faire un CD, ouais. Un CD musical. Et donc, tout ça, c'était le fruit de leur créativité. Ils ont coécrit des textes. Donc, comme je dis, il y a de ça une heure, pour certains, c'est qu'ils s'en rappelaient, et on croyait bien qu'ils s'en souviendraient pas, mais eux-mêmes ont été surpris de pouvoir se rappeler, parce que c'est les mots viennent au fur et à mesure, sans y penser, sans passer par l'intellect, c'est par les émotions. c'est par la musique. La musique est, devient le véhicule. Quand on apprend des chansons, même si on n'est pas Alzheimer, moi je chante des chansons, je me souviens de mes chansons, je pense pas à dérouler la chanson, ça vient avec la musique souvent. C'est j'avance, je joue un instrument et les paroles viennent au fur et à mesure. C'est souvent comme ça que ça se passe, en tout cas. Et bien là, d'autant plus. Et donc, le fait que, effectivement, est-ce qu'il y a une ambiance différente par rapport à la résonance, l'atmosphère, disons, d'une pièce, je sais pas vraiment. Par contre, les ingrédients de la musique elle-même, les différentes formes, différentes utilisations d'instruments différents. Alors là, c'était beaucoup les voix et guitare, un peu de piano, voilà. Mais c'était vraiment les voix de prime abord, vraiment les voix. Donc là, on était vraiment dans l'humain. Alors après, je vois où tu veux en venir quelque part, mais les ingrédients de la musique peuvent agir de manière différente. C'est quand on enregistre. Moi, j'en ai fait aussi l'expérience parce que je suis aussi hypnothérapeute. D'ailleurs, l'hypnose, ça sera le sujet de notre prochaine émission dans une semaine sur Radio Arc-en-Ciel. On fait pas écouter de la musique, n'importe quelle musique, de manière passive à une personne avec n'importe quel instrument ou illustration sonore sans savoir, sans comprendre quelle est l'histoire de la personne à qui on fait écouter cette musique. Bien sûr. Parce qu'on peut réveiller des traumatismes. Un exemple, moi j'ai entendu ça plusieurs fois, des choses genre pour la méditation et qu'on utilise un peu en sophro et voir qu'on utilise en début d'induction pour l'hypnose avec des bruits d'eau, hein, des musiques qui paraissent très cool, très sympathiques, cool, etc. avec des bruits d'eau, des harpes, etc. Sauf que les bruits d'eau. À une personne qui a eu un traumatisme important de noyade, ben je peux vous dire que là tout tombe par terre. Là ça marche pas du tout. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça. Donc, il faut savoir à qui on s'adresse et quelles sont les musiques qu'on va utiliser. Donc là, la question se posait pas avec nos groupes parce que c'était eux qui créaient. Je prends note de ce que tu dis puisque jeudi prochain, je devrais avoir dans ce studio, des gens du milieu de l'hypnose, thérapeute et hypnose de rue. Et justement, je prends un papier, un stylo, ouais. Et je vais noter ça, mais je leur poserai la question. Ils n'utilisent pas de musique, hein. Voilà, je prends le papier, même s'entendre un petit peu au micro, pour pas que j'oublie de prendre note. Oui, normalement, ils n'en ont pas besoin, mais ça sera un autre voilà. Débat, Jean-Michel. Voilà. Donc, je sais que le son ne s'arrête pas à l'oreille. Le son, il traverse la peau, il traverse les muscles, sur les fréquences. On dit souvent qu'en musicothérapie, on travaille sur une palette des fréquences bleues pour apaiser avec des fréquences rouges ou des rythmes plus ou moins chauds, donc plus rouges pour simuler. Est-ce que tu peux nous parler à travers ça ou est-ce que c'est pas tout à fait le sujet de la... Est-ce que tu peux nous... C'est pas complètement le spectre, c'est pas complètement la pratique, la manière de faire des ateliers auxquels j'ai participé ou dont j'étais témoin. C'était vraiment le travail avec la voix, créé par les gens eux-mêmes. Et l'échange de voix, l'échange de la vibration par la voix et de la musique créée ensemble. Donc, on calculait pas les niveaux de fréquence, mais on travaillait sur leur propre voix. Donc l'intérêt c'était d'explorer et de réveiller la voix chez les gens. D'accord. Chez les patients. Hein. Donc ils étaient maîtres de leur voix. C'est quand même qu'il y en a certains qui ont vécu ces ateliers-là pendant plus de 2 ans. Hein. Donc malheureusement, ils décèdent, ils sont en fin de vie. Mais il y en a qui sont restés plus de 2 ans. D'accord. Voilà, hein. Et donc on a bien vu les résultats de gens qui chantaient, déployaient des cordes vocales, déployaient leur voix. Et en fonction de ça, petit à petit, eh bien, on arrive à des comportements visibles, différents, moins anxieux. Avec moins de déambulation, et quand je te parle de déambulation, ça sonne aux oreilles des gens de la santé qui travaille avec les gens atteints de la maladie d'Alzheimer. Il déambule énormément à certains niveaux de la maladie. Et là, c'était pas le cas. Et surtout, les rapports, ça adoucit. Quand on dit que la musique adoucit les mœurs, où là, on pouvait voir directement que, effectivement, le fait de se sentir bien avec soi-même, parce que c'est le fait de se sentir bien, j'en reviens là encore, où le patient n'est plus défini par ses manques, ses incapacités, mais à redevenir, à redécouvrir cet être intérieur, à être acteur de sa voix et de dépoiler quelque chose. Et là, on reprend d'une certaine manière, on reprend vie. Il y a les yeux, les yeux brillent. Et donc, quand on est bien avec soi-même, on est mieux. Eh bien, on est moins agressif. C'est vrai. Les relations mais sont... pas que dans la maladie, c'est dans mais la de vie manière générale. Voilà. Mais là, c'est tangible, vraiment. Là, c'est tangible. Hein. Ça, c'était des rapports qui ont été faits à l'hôpital ou de par d'autres psychiatres, des constatations qui ont été faites, rapportées par notamment d'autres chercheurs dont je vous donnerai les noms un peu plus tard si vous voulez bien. Ça c'est très important. Et donc là on est toujours dans le là c'est vraiment on n'est pas dans le calcul de la couleur de la note. Ça peut être des pratiques mais c'est pas sur ce terrain-là que nous avons travaillé. D'accord. Eh bien écoute en attendant, on va aller voir du côté de la symphonie d'Alzheimer avec un morceau de Luz. Luz, pardon. Luz. Peut-être que je fais ma gamine, mamie. Peut-être je suis trop fragile. Mais je sais lire entre tes lignes, mamie. Je connais le langage des signes. Dis-moi que t'as pas tout effacé, mamie. Que t'as pas vidé la corbeille. Le disque dur n'est pas cassé, pardi. C'est le passé qui s'est mis en veille dans l'antre de ton cœur d'enfant. Si tu réussis à t'y rendre, tu trouveras le brin d'encens que j'avais laissé en décembre. Je veux bien l'allumer pour toi. Tu n'es pas seule dans ce brouillard. Je suis ce petit feu de bois, cette lueur dans ta mémoire, cette lueur dans ta mémoire. C'est rien qu'un vent de nostalgie, mamie, qui fane comme un bouquet de fleurs. Telle est la triste tragédie, mamie, une ritournelle sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, rythmée sur tes battements de cœur. Une rengaine tombée dans l'oubli, mamie. C'est la symphonie d'Alzheimer. Tu sais, c'est pas que ça m'abîme, mamie. Je voudrais pas que tu croies ça. Mais je devine entre tes rides, mamie, que la vie s'est jouée de toi. Tu peux pas refermer le livre, l'histoire ne finit pas comme ça. Ce n'est qu'un seul chapitre à vivre, mamie. L'auteur a prévu mieux pour toi. Puis t'as pas pu tout oublier. Fais semblant, je te crois pas. Le cœur, c'est une bougie mouillée, tu sais, qu'on peut rallumer quelquefois. Tout est écrit sur ces photos. Nos souvenirs s'y tiennent la main. Ferré raconter des ragots. Avec le temps va, tout s'en vient. Avec le temps va. Viens. juste un vent de nostalgie. La partition gribouillée, mamie, de cette ritournelle sans auteur. C'est rien qu'une fichue mélodie, mamie, gravée pour entendre dans nos cœurs. Cette chanson, tu l'as écrite, mamie, c'est la symphonie d'Alzheimer. Les étés, quand on passait les matinées sur l'oreiller, balayé comme rayé du cahier de la carte de nos cœurs qui partent, qui de le sol et sous les envols. Exactement, 15h37, vous êtes toujours en compagnie de Jean-Michel Cuiz, qui est donc vidéaste et en même temps qui vient nous parler de son travail qu'il a effectué dans les EHPAD pour la maladie d'Alzheimer, mais en même temps surtout de la musicothérapie à travers ce travail. Et là, on vient d'écouter donc un morceau qui s'appelle Vol, qui a été fait par 16 artistes de mémoire, qui a été fait genre, justement pour aider la recherche l'Alzheimer, pour aider la recherche sur l'Alzheimer. Voilà, donc c'était donc Vol avec 16 artistes. Je vais reprendre donc le cours de l'émission. Jean-Michel, J'en ai un petit peu, enfin tu en as parlé, pardon, un petit peu tout à l'heure par rapport à cette demoiselle, enfin cette personne qui avait été suivie pendant quelques années, qui n'avait jamais souri et qui a eu un sourire pendant sa séance, session de musicothérapie. Est-ce que tu as le souvenir d'un autre moment où la fréquence d'un instrument ou autre a provoqué une réaction physique immédiate chez un ou une résidente, comme si son corps s'était soudainement réaccordé? Eh oui. Eh bien, oui, mais il y avait aussi des moments très spontanés au cours de ces ateliers de musicothérapie avec les patients Alzheimer, je le rappelle, hein, cette fois-là. Ils étaient comme... Ils se redécouvraient à travers ces ateliers, et donc ils étaient d'un seul coup muets par des bouffées d'émotions. Et il y en a certains, moi j'en ai vu plusieurs, qui d'un seul coup ils se levaient pour descendre pour danser en rond. Ils se mettaient à danser. D'accord. Alors qu'on leur avait pas demandé, mais ils chantaient, et puis d'un seul coup le réflexe, ça ils s'accrochaient. Des gens qui parlent très peu, hein, qui était déjà bien un stade de niveau pas aphasique, mais quand même. Et l'expression qui leur restait, c'était ça sortait de leur corps, ils se levaient et ils dansaient. D'accord. Alors ça c'est, et ça rejoint justement retrouver sa dignité, son identité, c'est à travers ses émotions, et retrouver, se réaccrocher des souvenirs justement véhiculé par la musique. Hein, c'était l'idée quand même, faut bien comprendre, que ce soit La mémoire retrouvée ou le deuxième film s'appelle La mémoire qui flanche, ne perd pas la mémoire, hein, La mémoire qui flanche, c'est penser que la maladie d'Alzheimer n'est pas une mort civile ou psychique, total, à travers ces séances, eh bien, on montre que les patients, pourtant très lourdement atteints, et souvent murés dans le silence, eh bien, parviennent à redevenir des sujets. Ils ne sont plus des malades uniquement, mais des personnes qui s'expriment et interagissent avec les autres autour. Et c'est ça qu'on arrivait à faire, et c'est ça, rien que ça, déjà, c'est très, très, très, très important. Hein, c'est un plaidoyer pour la prise en charge, pour une prise en charge plus humaine et moins médicamenteuse, parce que bon, même moi je ne sais pas exactement où on en est dans la recherche médicamenteuse par rapport à cette maladie-là, mais faut bien le dire que il y a 15 ans, il y a 20 ans, ou il y a même pas très longtemps, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Enfin, il y a 20 ans, c'est pas longtemps, bon, c'était hier. Oui, voilà, c'était même... je pense On fait en sorte que les patients... ça, alors, je vais pas m'avancer trop, mais enfin, ce que je ressentais à ce moment-là, c'est que on faisait en sorte que le groupe, on médicalisait pour pas qu'il y ait d'excès, quoi. C'est ça qui se passe. Bien sûr, surtout ça qui se passe. Donc, après, je vais pas prendre... parler à la place des spécialistes, etc. Je pense que ça avance et les choses avancent. Il y a une fondation Alzheimer aussi pour ça. Mais on le prend de plus en plus, on donne de plus en plus d'importance justement aux thérapies non médicamenteuses pour ce genre de choses. Et ça, par rapport à la créativité, ce que peut susciter la créativité à travers différentes expressions artistiques. Et là c'est artistique, mais c'est surtout la voix. Et là, c'est très important. La voix, c'est quoi? C'est l'humain. La voix, c'est l'humain, c'est la vibration, c'est retrouver son être intérieur. Bien sûr. C'est très très important. Voilà. Au niveau des liens que je voulais donner, si vous souhaitez, amis auditrices, auditeurs, passagers de ce vol spécial musicothérapie, retrouver quelques adresses. Je les ai pas en tête parce qu'elles sont nombreuses, mais vous pouvez aller sur un site qui est très bien fait, qui est le site de la du Philharmonique de Paris, donc qui parle et qui donne sur sa colonne de droite, il y a une page sur la musique musicothérapie. Et il y a tout un tas d'adresses avec les fédérations, les syndicats, quelques adresses de psychothérapeutes et tout ça. Si jamais vous cherchez les renseignements, je remettrai ce lien et vous pourrez éventuellement aller rechercher. Voir d'ailleurs, à ce sujet-là, j'en profite pour dire un petit peu quelques messages, informations. Donc la semaine prochaine, je recevrai donc les personnes qui font un petit peu d'hypnose, soit l'hypnose de rue et l'hypnose thérapeutique, mais aussi au sujet de la Philharmonique de Paris. Je recevrai normalement le 5 février, j'ai rendez-vous avec un ingénieur du son live qui s'appelle Sylvain, voilà, je dirais que son prénom pour l'instant, et il est ingénieur du son au Philharmonique de Paris. On parlera bien sûr son live et mastering et tout ce qui s'ensuit. Voilà, ça va toujours un petit peu un lien avec la musique. Jean-Michel, nous arrivons un petit peu dans la descente, on va dire, hein, pour amorcer l'arrivée sur le tarmac. Il nous reste à peu près un petit quart d'heure. J'aurai un ou deux passages musicaux juste à ras du sol pour toi. Mais est-ce que tu veux déployer un petit peu plus sur des choses que t'as pas eu encore le temps de dire ou... Écoutez, déjà, avant que tu aies une autre question qui te vienne à l'esprit, je voulais quand même juste citer un auteur, neurologue, neurophysiologiste et neuropharmacologue, donc que j'ai rencontré, que j'ai interviewé, par moment pu voir ce que l'on sait, ce qui était fait à travers ces ateliers, c'est Pierre Lemarquis, qui avait déjà au préalable avait écrit quelque chose. C'était son livre, c'était Sérénade pour un cerveau musicien. Et ça date de 2009. Et il y en a un autre, donc je pense qu'il a été inspiré un petit peu par ce qu'il a vu, parce que on se connaît, il est venu voir, je l'ai interviewé. Et c'est un deuxième livre très intéressant pour ceux qui veulent pousser un peu plus loin et comprendre ce qui se passe avec la musique et le cerveau. C'est Les pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes. C'est Pierre Lemarquis. Ça, c'est un livre qui est paru en 2021, donc assez récent et assez mis à jour. C'est très très important. Voilà, qui va développer, qui a développé d'une manière plus scientifique tout ce que j'ai pu dire lors de cette émission. Voilà, qui peut permettre de développer les compétences pour même les personnels de santé qui veulent s'intéresser ou faire en sorte aussi, parce que c'est ça, il y a une chose que je voulais dire, c'est que c'est des initiatives privées, personnelles, d'intégrer des ateliers dans des EHPAD ou des hôpitaux privés. Bien sûr. Hein, ça a un coût, mais c'est pas forcément impossible, c'est une question de choix. Voilà, je peux rajouter, vas-y, tu peux rajouter, j'aurais juste une question qui vient juste de me... Donc, de me voilà, à l'époque, il y en a plusieurs maintenant qui font ça. Ça a un coût par moment, mais enfin, c'est des choix, c'est de l'argent qu'on va mettre un peu plus là qu'ailleurs. En réalité, c'est pas si coûteux que ça, c'est de l'organisation, et c'est une organisation que veut bien assumer l'établissement en réalité, parce que c'est pas si coûteux que ça, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas si coûteux. C'est donc, mais c'est simplement pour dire que c'est pas quelque chose qui est, ça commence à prendre tournure, je pense, hein, je suis un peu moins au courant depuis quelques années là, mais ça a fait son petit chemin, et en tout cas, c'est vraiment une question de, il n'y a pas de loi qui oblige à faire ce genre de choses. Voilà, d'accord. Ça que je veux dire. C'est vraiment des initiatives personnelles de gens qui se sentent investis pour ça. La petite question qui me venait, ouais. C'est pas une question subsidiaire, c'est une question tout entière d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des séances de musicothérapie à domicile, hein? Est-ce que ça se fait? Parce qu'on a parlé d'EHPAD, donc ce sont des lieux qui sont privés ou publics. Mais est-ce que pour des personnes voilà, qui n'ont pas les moyens ou qui ne peuvent pas y aller, pour des familles, c'est une question que j'ai reçue. Ah, mais, pas. Oui. Voilà. Est-ce qu'il existe des... Alors, ou sur qui s'orienter? Sur qui s'orienter justement là, pour comme ce ça, genre à de... domicile, c'est pas forcément un gain de coût, hein. Parce que ça coûte forcément plus cher. Que bien sûr, ouais, non, mais bien sûr, mais hein. C'est une question que je viens de recevoir voilà. Là. Et... Ah ouais, non, alors à domicile pour des cas particuliers, ça doit pouvoir se faire, bien entendu. Je connais pas bien ça. Je peux pas vous dire comme ça. Il y a les musicothérapie. Il y a des phoniatres. Alors, est-ce qu'on peut intégrer les phoniatres ou les gens qui travaillent sur la voix, spécifiquement pour les chanteurs, ceux qui travaillent. Non, mais là, c'est pour la maman d'une personne qui m'a envoyé, que je remercie d'ailleurs pour cette question. Et je vais passer juste après un petit bout de musique parce que j'ai reçu 3 messages, mais ce sont des messages téléphoniques. D'accord. Et malheureusement, pour des raisons techniques, je peux pas et répondre au téléphone et en même temps animer. Donc, je vais repasser tout de suite un petit morceau musical. Je te laisse dire 2 ou 3. Et qu'est-ce qu'elle disait? C'était pour quel type? C'est pour sa maman qui est déclarée Alzheimer, qui commence apparemment, et elle demandait si elle veut pas la mettre tout de suite en EHPAD tant qu'elle peut la garder chez elle. Alors, si j'ai bien compris, moi je dirais pourquoi pas. Simplement, je pense que l'émulation de groupe est nécessaire et très importante. D'accord. Il faut qu'il y ait une émulation de groupe. C'est bien mieux parce qu'il y a l'échange. On se sent dans le regard. C'est toujours. J'en reviens toujours au regard. On existe à travers le regard des autres bien souvent. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais à ces âges-là, avancés et surtout quand on a du mal à s'exprimer, c'est d'autant plus important. Et c'est vrai que on trouve de l'empathie ou on compatit ou on se comprend à travers les regards, la façon dont on va s'exprimer ou s'émouvoir de quelque chose. Et là, donc, dans un groupe, ça marchera encore bien mieux et ça sera beaucoup plus bénéfique. Et il faut se renseigner où ça peut se passer. Mmh. Mais je pense que cette dame-là peut-être pose cette question parce qu'elle n'arrive pas à trouver, à savoir où il y a des ateliers comme ça. Voilà, elle a quitté le par hasard, je pense, ouais. Et comme quoi le hasard fait bien les choses. Parce que c'est vrai que j'ai essayé d'en faire un petit peu la promotion pour ouvrir un petit peu l'angle d'écoute. Et c'est vrai qu'elle me paraissait, d'après ce que j'ai pu lire, un petit peu démunie. Ça vient de lui arriver. Et je pense qu'il est peut-être aussi, mais j'essaierai de l'avoir tout à l'heure en messagerie privée, de lui dire de se rapprocher plutôt d'un milieu, comment dirais-je, un hôpital ou un truc comme ça, qui pourrait un petit peu l'éduquer et lui donner les renseignements. Moi, il y a la fondation Alzheimer qui peut la renseigner pas mal aussi sur les différentes. Voilà, je lui donnerai quelques bases de lien pour l'aider parce qu'elle me paraissait un petit peu. Mais ce que je peux dire comme ça, c'est à nouveau que ce que je. C'est un petit conseil, ce qu'il vaut, parce que je ne suis pas ni psychiatre, ni. Mais c'est la stimulation, c'est de faire en sorte que cette femme soit stimulée assez régulièrement de différentes manières. Mais c'est très difficile à demander quand on est les enfants qui travaillent, etc. Voilà, je pense que c'est plutôt un appel au secours. Je pense que ça ne doit pas être trop vieux et on va voir. Ouais. Et en attendant, on va passer du côté de Laura Fabian avec Loubi. Oh, d'accord. Encore si pas un cheveu blanc, elle accepte son sort. Sa mémoire qui fout le camp du passé au présent, du passé. J'ai parlé avec elle de tout, de rien, de son enfance. Ça, ça, elle s'en souvient, mais du bouquet de roses que je viens d'apporter restera le parfum, mais l'image envolée, l'oubli, l'oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent, l'oubli comme elle déplace son passé, sa tristesse, l'oubli est en surface. À l'intérieur, ce qu'il a fait de nous. L'oubli, l'oubli comme une impasse sur les gestes qui blessent. L'oubli comme c'était Laurent. Laura, pourquoi Laurent? Parce que j'ai eu un petit appel téléphonique par Laurent, justement, qui devrait nous rejoindre au niveau de l'hypnose. Laurent Leguet, qui sera avec nous donc jeudi prochain. Voilà pourquoi Laura, Laurent. Voilà, donc c'était Laura Fabian avec l'oubli, et nous sommes toujours pour les 5 dernières minutes. Ce n'est pas Maigret, mais c'est Jean-Michel Cuès qui est là avec nous et qui nous parle et qui nous a parlé pendant ces 2 heures de la musicothérapie et de son travail en tant que vidéaste, autant en tant que vidéaste, donc sur la réalisation de documentaires sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, est-ce que tu as... Voilà, non, c'est un dis vidéaste, connais, ce mot-là est très moderne, mais je dirais plutôt réalisateur-auteur. Voilà, réalisateur-auteur. De programmes pour des documentaires télévisuels. Voilà. Voilà. Et donc, petite conclusion peut-être. Bien écoute, oui, tu peux conclure. Je te laisse, tu as quelques instants, quelques minutes pour conclure. Voilà, parler un petit peu de ton ressenti, en même temps passer un petit message, si tu as un message personnel à faire passer. Parce que j'ai reçu un petit message, moi, tout à l'heure, je vais vous... Je sais que message personnel, c'est vrai qu'à travers ces films, d'ailleurs, c'est aussi ce qui m'avait vraiment impressionné dès le départ, c'était le pouvoir de communication de gens vis-à-vis de moi ou qui théoriquement, en soi-disant, ont perdu une forme d'élocution, mais qui savent en fait très bien communiquer, et il faut juste trouver les chemins, parce qu'il y a plusieurs façons de dire les choses, et surtout travailler avec le regard, et j'en reviens toujours à ça, mais c'est tellement important, le regard. Le regard, pour acquiescer, le regard, comme dans la chanson qu'on a entendue de Luce tout à l'heure, ou de... c'était vraiment quelque chose d'indicible et de très fort à vivre. Je pense qu'il y a vraiment un terrain encore d'exploration, et j'espère que ce genre d'atelier, ce genre d'atelier va se multiplier dans les EHPAD ou les hôpitaux privés, les hôpitaux publics, pourquoi pas, enfin, ou à moitié public, hein, ça dépend. Mais là, il est certain qu'il y a un relais à faire avec la médicalisation, en tout cas en parallèle, hein, c'est sûr et certain, et pour beaucoup, c'était pas forcément hyper médicalisé, hein. Et on avait moins besoin de médicaliser justement notre groupe. Alors ça aussi, c'est une des constatations. Je sais pas dans quelle mesure ils étaient réellement médicalisés, mais je sais qu'ils l'étaient moins pour la plupart. Parce que moins d'anxiété. Beaucoup moins d'anxiété, et je répète encore, beaucoup moins de déambulation. Et encore une fois, je pourrais dire ce que je peux dire, c'est que ça m'a changé à moi personnellement, si ça peut brièvement intéresser, mais ça m'a changé ma propre vision sur le grand âge et sur ma propre vieillesse. Et peut-être que moi-même, ça m'a donné plus de sagesse et plus d'introspection pour vers une vieillesse mieux consenti ou mieux vécu. D'accord. Donc c'était mots de la fin, en fait. C'était mes mots de la fin, et qu'est-ce que je pourrais là. Et ce qui est important, c'est que faut pas oublier que, et je le répète, c'est que, et c'est le ressenti de ces gens-là, et on peut le constater, c'est qu'ils se sentent invisibles de plus en plus. On vieillit, on est conscient, on se sent invisible de plus en plus, on vieillit, on est invisible dans la société. On s'intéresse moins à eux, on les écoute moins. Alors qu'en réalité, eh bien, ils ont tellement de choses à dire. Et oui, et à nous apprendre. Et à nous apprendre. Et ils peuvent encore, et très très longtemps. Simplement, ils vont pas le clamer, ils vont pas demander. Il faut aller les chercher. Voilà. Tout à fait. Eh ben écoute, moi personnellement, je suis très content de t'avoir accueilli dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, à qui je remercie de nous permettre de faire ce style d'émission avec des thèmes changeants. J'ai appris beaucoup de choses sur la musicothérapie. Je pense que nos auditeurs et nos auditrices aussi ont pu être un petit peu plus éclairés sur cette forme de thérapie. Et je voulais simplement vous remercier, et en attendant vraiment poser les roues sur le tarmac, le temps de refaire un petit peu le plein de kérosène pour redécoller vers une page un petit peu plus longue musicale, où nous allons découvrir les groupes de la région Centre, enfin des groupes, des artistes ou en devenir de la région Centre, puisque c'est la deuxième partie, elle est plus axée sur la musique. Donc le temps de refaire le plein de kérosène, que Jean-Michel récupère ses bagages là où il doit les récupérer, que nous saluons, et je vais donc vous laisser quelques instants le temps de faire le plein de kérosène avec cet écrit de monsieur. Question de monsieur, cet écrit de monsieur Francis Cabrel. Cabrel. Ah oui, c'est vrai, il y avait celle-là encore, effectivement. Très beau. Changer la course des nuages, balayer tes projets, vieillir bien avant l'âge. Tu la perdras 100 fois dans les vapeurs des ports. C'est écrit. Blessée dans les parfums d'un autre, tu t'entendras hurler que les câbles l'emportent. Elle voudra que tu pardonnes et tu pardonneras. C'est écrit. Ni le jour, elle danse derrière les brouillards. Et toi, toi, tu cherches et tu cours. Tu prieras jusqu'aux heures où personne n'écoute. Tu videras tous les bars qu'elle mettra sur ta route. Passera des nuits à regarder dehors. C'est écrit. Elle n'en sort plus ta mémoire. Ni la nuit ni le jour, elle danse derrière les brouillards. Et toi, tu cherches du coup. Toujours sur Arc-en-Ciel, comme il le disait, Monsieur Cabrel, c'est écrit. Et moi, j'ai reçu, en milieu de matinée, un petit message qui m'a fait chaud au cœur. Et je vais être un petit peu dans l'obligation de détourner mon vol qui était prévu au départ pour les artistes orléanais. Mais là, je vais faire juste. J'ai fait le plein du kérosène. Je suis prêt à redécoller. J'attends le feu vert de la tour de contrôle. Et dès que Arc-en-Ciel 96.2 me donne le feu vert, nous allons survoler la région centre en écoute découverte des artistes du terroir. Mais juste avant, j'ai une dédicace à faire. Et je vais juste passer un petit jingle et après nous ferons directement la dédicace. Didier & Co. Arc. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 MHz. Et bien voilà, juste après ce petit jingle, c'est juste pour vous dire que j'ai reçu un petit message en fin de matinée pour écouter un titre, mais pas de n'importe où, hein, il faut faire vraiment le plein. Là, j'ai vraiment rempli le réservoir à ras-bord parce que nous allons survoler le Japon pour cette dédicace, faire un petit détour du côté de la ville de Futuoka au Japon pour saluer trois auditeurs avec quelques 8 heures de décalage, donc en plus là-bas il doit être aux alentours de minuit. Alors Yoa Sumi, Raphaël, Natsuko et Luna, et bonne écoute à vous. Donc ça sera sûrement, je pense, avec le podcast. Et ben si, voilà le décalage, et c'est parti pour nous. Machine. I knew he must have been about 17. He was on his drum, playing my favorite song, and I could tell it would be long. That he was with me, yeah, me. And I could tell it would be long. Voilà, nous sommes revenus au-dessus d'Orléans, comme quoi vous savez maintenant, avec tout ce qui est volant, nous allons très vite siffrer. C'est Made in Orléans et c'est à découvrir tout de suite. Ils étaient samedi soir à l'Alliage, Olivier, avec pour le lancement donc à l'Alliage de leur deuxième son, de leur deuxième album, j'y arrivais, c'est Sun and Moon, voici Sika, Alone, et en avant la musique. Hides and alone, and everything. avec Jess à la voix. Le violon, je n'ai malheureusement plus le nom de la violoniste, mais virtuose, et aux drums, à la préparation, effet Christophe. Nous allons écouter maintenant un morceau que j'affectionne particulièrement. La voix, je ne connais pas la chanteuse, mais j'ai aimé à apprécier cette voix qui me rappelle un petit peu certains timbres de voix de Amy Winehouse. Je vous laisse écouter Freedom. On my shoulders, pressure to break or retreat at every turn. Faith in the fear that the truth I discovered. No telling how all this work out, but I've gone too far to back now. Eh bien, vous savez pas? Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose. Cet esprit de liberté, ça me rapproche un petit peu des vacances, et notamment des vacances au bord de l'océan Atlantique, où il peut y avoir énormément de belles vagues, de surfer, de me mettre donc en Bermuda, et d'enlever mes claquettes et de piquer une tête avec mon surf et d'aller donc surfer sur les vagues. Voici un titre d'un groupe orléanais. Le groupe s'appelle Happy Go to Lucky Band. Et ce morceau s'intitule Cathy's Clone. Surf, bien sûr, avec Happy Go To Lucky Band. Et là, nous allons partir du côté d'Amy. Et oui, on va revenir un petit peu dans le Loiret. Arrêtons de rêver un petit peu avec un groupe qui est du côté, donc, je le disais, de Montargis Amélie. Et le groupe a été reçu dans l'émission Mavrika. Je n'ai plus le numéro, mais il n'y a pas si longtemps que ça. C'était The Lack Next Door. We don't want to hang out. Ils nous viennent directement de l'opposé du département. Ils sont plutôt du côté de l'Aïe-en-Val. Ils sont venus il n'y a pas si longtemps que ça non plus dans le Mavrica un certain vendredi soir. Et c'est là que j'ai rencontré donc leur batteur qui s'appelle Sylvain, mais qui de métier est professionnel bien sûr et ingénieur du son. Et il est ingénieur du son donc au Philharmonique de Paris. Et il sera avec nous prochainement dans Didier & Co. Mais pour l'instant, il est à la baguette. Dedicated to you. oui, ça déménage un petit peu. C'était Metal Maniac avec Last Rider. Et comme je vous ai dit, quand on survolait la région centre, là, on va partir du côté du département 41, je dirais même plutôt le département 18. Et là, sincèrement, on va faire le grand écart au niveau musical. On va redescendre un petit peu la pression, juste un petit peu, avec monsieur Chris Milan. Et on va s'accouder au balcon, voir s'il y fait bon. Accoudé au balcon, je regarde passer les oiseaux familiers autour d'une maison. Voir cette liberté me fait penser parfois qu'on pourrait s'évader comme ils le font déjà. Je ne peux m'empêcher d'imaginer qu'il y a un coin pour se poser dans un joli endroit quand ils partent si loin. Les ailes déployées, c'est pour aller plus loin, pour ne pas s'arrêter, les regarder partir vers d'autres aventures et les laisser vieillir. Quelle est belle la nature. Descendu un petit peu sur un plan style et musique. Et là, on va rester un petit peu dans le côté sympathique avec un duo féminin que je vous avais annoncé tout à l'heure lors de notre première partie d'émission avec Jean-Michel Quez sur la musicothérapie. Oui, musicothérapie, c'est bien ce que j'ai dit. Nous allons donc écouter le duo Recto Verso et ils seront avec Swing Camine qui sera juste après. Ils seront donc le 21 février au premier opus Espace Bérer à Mavrica à l'auditorium à partir de 20h. C'est 6€ l'entrée. N'oubliez pas de venir les voir, les encourager, de faire travailler un petit peu l'association Mavrica car elle en veut le coup. Sinon, elle sera obligée petit à petit de clore l'association. Donc n'oubliez pas de venir soulager et soutenir surtout nos artistes locaux. Donc voici Recto Verso avec un titre Don't Be Afraid. When the wind picks up and shakes my grounds, I freeze in place, afraid to turn around. The shadows move, I lose my way. A brand new world, but I can't obey. But I can't obey. What if I fall? What if I break? What if the light just fades away? Chance means diving into the unknown.

Eh bien voilà, un petit morceau de swing avec Swing Camille. Et nous allons passer après sur un petit morceau, un petit peu moins swing, mais tout aussi sympathique, avec le groupe Oskle Nothing. C'était Ouskle avec Nothing. Chose promise, chose due. Voici OWL. que je fais, ou ce à quoi je rêve. Vous voulez dire ce que vous voyez, ce dont j'ai peur, ce que je ressens, ce qu'un jour je deviendrai. Vous voulez dire qui j'aime, ce que j'ai perdu, ce que j'ai perdu. Celui que je suis. Elle s'appelle Alex Leplay, elle est autrice, interprète et elle écrit en même temps ses paroles. Donc, compositrice, auteur, interprète, voici Madame Alex Leplay. Thank you. Il est 16h58 sur Radio Arc-en-Ciel Orléans et nous allons nous quitter avec un autre Alex, mais là ça sera une voix masculine, Alex Levaille avec Manège. Ce trottoir, l'amour a fait le reste. Il n'était pas trop tard. Tout ce manège sur ce cheval, je me sens. Le vol numéro 8 va se terminer. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec Jean-Michel Cuez, notre invité du jour sur la musicothérapie, et ce voyage excellent sur les artistes orléanais. Je vous souhaite un bon jeudi soir et un bon week-end qui va vite arriver. Et nous reprenons la direction du Portugal avec Radio RDP. Os alertas da Proteção Civil, tendo em conta a previsão de chuva e também de neve em várias regiões do país, a previsão vale.